La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Douce est la parole. France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des... Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir. Aujourd'hui, les conférences de la Bibliothèque nationale de France. Bartholomé Benassar est universitaire, historien. Il enseigne à Toulouse-le-Mirail. Il est spécialiste de l'Espagne et du monde espagnol. On lui doit, entre autres ouvrages, un Cortés, le conquérant de l'impossible, publié chez Payot. Son intérêt pour la Méditerranée, l'Espagne et l'Amérique latine ne s'arrête pas au XVIe siècle, puisque Bartholomé Benassar a également écrit sur l'Espagne moderne et sur Franco. Mais Bartholomé Benassar est aussi romancier. L'intervention que nous écoutons ce matin fait partie d'une série de conférences sur le thème « Guerres et religions » organisée par la Bibliothèque nationale de France en collaboration avec la revue Histoire. C'est donc dans ce cadre que Bartholomé Benassar nous parle des conquistadors. Qui étaient les conquistadors? On peut les situer sans difficulté dans le temps et dans l'espace. Ce sont d'abord des hommes du XVIe siècle, et il faudrait préciser de la première moitié du XVIe siècle. Et bon nombre d'entre eux sont d'ailleurs nés au cours du dernier tiers du siècle précédent. Cortés est né en 1485, Francisco Pizarro en 1478, Almagro en 1480, Pedro de Alvarado en 1485, vous voyez, ce sont des notes presque identiques. Bernal Diaz del Castillo, le précieux chroniqueur, le merveilleux chroniqueur de la conquête du Mexique, est né en 1495 ou 1496. Hernando de Soto en 1498. Alors, même quelquefois un peu avant, comme Juan Ponce de León, lui qui partit à la découverte de la fontaine de Jouvence, en Floride, qui était né en 1466. Et nous avons seulement quelques conquistadors qui sont nés dans les toutes premières années du XVIe siècle. Jiménez de Quesada en 1500, les frères de Pizarro, Hernando y Gonzalo en 1502-1512, Cabeza de Vaca, dont je parlais tout à l'heure, en 1500. Ce sont donc des hommes qui sont en quelque sorte placé entre Moyen-Âge et modernité. Ce sont des hommes qui sont avides d'or, certes, mais tout autant de réputation et de gloire, au point de réinvestir parfois toute la fortune qu'ils avaient acquise et qui était considérable dans des aventures mortelles, ou en tout cas qui vont les ruiner définitivement. Ce sera le cas d'Aureliana quand il va vouloir, après avoir descendu l'Amazone, le remonter. Ce sera le cas d'Almagro dans son expédition du Chili, c'est encore le cas d'Hernando de Soto, par exemple. Ce sont des hommes qui croient aux monstres et aux chimères, aux Amazones, aux géants, à la fontaine de Jouvence, à l'Eldorado, aux apparitions, aux fantômes. Ils n'ont pas peur de grand-chose, ils ont affronté un océan inconnu, ils ont gravi de hautes montagnes, sans ballon d'oxygène de secours, traverser des fleuves énormes sur des embarcations de fortune, traverser aussi des jungles et des déserts, combattu des adversaires moins bien équipés et moins bien armés qu'eux, mais 10 ou 20 fois plus nombreux. La plupart ont conscience d'avoir commis des turpitudes et des atrocités. Si on prend le cas d'un Hernando de Soto, c'est par exemple évident. Mais ils sont animés, à quelques exceptions près, d'une telle foi en le pouvoir de rédemption du sacrifice du Christ qu'ils croient en la possibilité de leur salut. Et ils croient généralement de bonne foi que les religieux venus avec eux ou après eux vont apporter l'évangile aux populations du Nouveau Monde. Il y a, sur ce plan-là, une déclaration tout à fait significative de Cortés, que Serge Grusinski avait d'ailleurs relevé, lorsque Cortés, lorsqu'il écrit au général des franciscains d'une part, puis à Charles Quint pour demander la voie de religieux, précise qu'ils ont répété aux indigènes qu'ils verraient arriver des religieux qui pratiquaient une bien plus belle vie et bien plus bonne vie qu'eux-mêmes, et que ce sont ces religieux qui pourraient leur montrer que ce qu'ils leur racontaient était en quelque sorte vrai, car leur style de vie ne permettait pas d'y croire. D'où venaient les conquistadors? L'immense majorité d'entre eux étaient des Espagnols, avec une très forte proportion de Castillans, d'Estrémènes et d'Andalous. Très peu de Catalans, de Valenciens, de Baléares, assez peu d'Aragonais, et les Asturiens et les Galiciens sont également peu nombreux. Les Basques, peu nombreux au début au Mexique, ont fourni un contingent plus important au Pérou. Dans la liste des conquistadors du Mexique, dont je parlais tout à l'heure, qu'adressait Bernard Grunberg, les provinces de Valladolid, Salamanque, Ségovie, Tolède, Cáceres, Badajoz, Cáceres et Badajoz, plus encore que celles que je viens de citer, et également les trois provinces andalouses de Séville, Cadiz et Huelva, rassemblent à elles seules plus de la moitié de l'effectif des conquistadors. Néanmoins, dans cette liste de 1212 personnes, on trouve une vingtaine d'Italiens. Enfin, la présence probable, je vais expliquer pourquoi, d'une vingtaine d'Italiens, d'autant de Portugais, de 4 ou 5 Grecs et de 2 Flamands. Pourquoi je dis probable? Parce que cette nationalité italienne est attribuée d'après la manière dont ces gens étaient appelés. On leur disait, par exemple, Ramon Genovès, génois, ou bien Pedro Napolitano. Bon, ce n'est pas besoin de traduire. Alors, s'agissait-il véritablement de Napolitains ou de Génois? C'est probable, ça n'est pas absolument certain. Au Pérou, la proportion des Estrémènes, donc des gens d'Estrémadour, pourtant une zone qui n'était pas extraordinairement peuplée, fut encore plus forte. Et Bernard Lavallée, dans la bibliographie qu'il a faite de Pizarre, a souligné le rôle des natifs de la ville de Trujillo, ville de provenance des Pizarres, et d'ailleurs sur la grande place de Trujillo il y a évidemment une statue équestre de Pizarre. Il y eut aussi quelques femmes conquistadoras. Bernard Grunberg en a identifié 13 au Mexique, et il pense qu'il y en a eu au total une vingtaine, presque toutes andalouses, venues généralement avec un mari ou un père, ou pour rejoindre leur mari. Mais il est également possible qu'il y ait eu 2 prostituées, ce qui n'est pas beaucoup, dans la troupe de Cortés, et une dans celle de Pizarre. En revanche, dans la biographie qu'il a consacrée à Pizarre, justement, Bernard Lavallée ne signale pas la présence de femmes dans les petites troupes qui parvinrent, ou qui partirent du moins, à la conquête du Pérou. Et l'Américain James Lockhart, dans l'étude prosopographique qu'il a réalisée à propos de ce qu'il appelait Los de Cajamarca, c'est-à-dire les 145 soldats qui ont été à Cajamarca au moment de la capture d'Atahualpa, n'identifie pas de femmes parmi ces 145 qui se rendirent maîtres de l'Inca lors de l'invraisemblable coup de bluff du 16 novembre 1532. L'opinion commune ignore qu'il y eut quelques centaines d'Allemands parmi les conquistadors, tous engagés dans la conquête du Venezuela et de la Colombie actuelle. Alors l'explication est simple. Vous savez que les grandes familles de banquiers allemands d'Augsbourg, les Fugger et les Walther, contribuèrent de façon très importante au financement de l'élection à l'Empire de Charles Quint, qui était en concurrence avec Henri VIII et surtout avec François Ier. Pour rembourser au moins en partie les Welser, Charles Quint leur céda le droit de participer à la colonisation et au commerce du Venezuela actuel, avec notamment la péninsule de Coro à l'ouest du pays. Cette péninsule de Coro jouant le rôle de base. Il en coûtait bien peu à l'empereur Charles Quint, car le travail de conquête et de colonisation était à faire intégralement. Les Welser, qui reçurent entre autres le droit de construire trois forteresses, envoyèrent d'abord un gouverneur, Ambroise Alfinger, qu'on appelle aussi quelquefois Ehinger, qui reçut ensuite, comme lieutenant en 1529, Nicolas Federmann, né à Ulm en 1509, à qui il confia le gouvernement de Coro, et Federmann que l'on peut mettre, qui fait partie des grands conquistadors, qui est à intégrer dans la catégorie des grands conquistadors. Plus tard, Georges de Spire, puis Philippe von Hutten, prirent la succession d'Alfinger, toujours avec Federmann comme lieutenant. Et les Welser passèrent avec la couronne de Castille plusieurs contrats, ce qu'on appelait les asientos, qui permettaient à leur gouverneur de recruter soldats et colons, parmi lesquels il y eut nombre d'Allemands. Voilà la raison pour laquelle, nous retrouvons les Allemands. Alors nous parlerons des expéditions organisées par les Allemands, Federmann notamment, à la conquête de l'Eldorado. Mais avant d'en venir à l'analyse des aspects les plus intéressants de la geste des conquistadors, je crois qu'il est indispensable de donner une précision importante. Les conquistadors n'étaient d'aucune façon des hommes du roi. Ils étaient en quelque sorte, si je puis risquer l'expression, des entrepreneurs en guerre. Et les expéditions qu'ils organisaient étaient des affaires privées qu'ils finançaient à leur gré, selon leurs moyens, et pour lesquels ils effectuaient à leurs frais les recrutements nécessaires et les frais d'équipement, bien entendu. Mais ils devaient passer avec la couronne ce qu'on appelait des capitulations, c'est-à-dire des accords, des négociés, parfois longuement, qui réservaient les droits du roi, la perception de pourcentage sur le butin des expéditions, c'est l'amorce du quinto qui va ensuite être levée dans les exploitations minières, et la nomination ultérieure d'agents de la couronne, ou même dans le cas de l'expédition de Pizarre, ça n'a pas été une nomination ultérieure, ça a été une nomination immédiate, c'est-à-dire que Pizarre a été accompagné dans son expédition par des agents de la couronne, pour vérifier la comptabilité du butin et le respect des capitulations. C'est en partie grâce à ces capitulations, mais aussi bien sûr, grâce aux divisions entre les conquistadors, aux conflits qui ont éclaté entre eux, que le pouvoir royal parvint ensuite, au Mexique, au Pérou en particulier, à substituer le pouvoir civil à l'autorité des conquérants et à installer dans les régions conquises une structure administrative qui dépendait directement de la couronne, avec des audiences un petit peu qui ressemblaient un peu à nos parlements, des vice-rois, des corregidors, sans oublier bien sûr la mise en place d'une législation particulière, les fameuses lois des Indes, ces lois des Indes qui en 1542 provoquèrent la rébellion des conquistadors du Pérou, parce que dans ces lois nouvelles, Charles Quint et son conseil des Indes avaient prétendu protéger les Indiens et les soustraire à l'exploitation abusive dont ils étaient l'objet. Il faut remarquer que la couronne organisa elle une seule expédition. Une seule. Seule expédition de conquête. Celle de Pedrarias d'Avila vers l'Amérique centrale en 1514, qui fut probablement l'expédition qui bénéficia des moyens les plus considérables, mais qui fut un échec retentissant. D'autre part, il faut comprendre que les conquistadors, au moins ceux qui réussirent dans des entreprises apparemment impossibles et folles, étaient au moment où ils prirent la direction de ces entreprises des vétérans de la conquête, Ils comptaient alors plusieurs années de présence aux Indes, l'Inde ou l'Amérique, ils étaient instruits des voyages de reconnaissance ou des tentatives manquées de leurs prédécesseurs. Il faut savoir en effet que l'épopée de la conquête, étonnamment rapide, puisque elle a duré une quarantaine d'années, 1510, 1550, a compté beaucoup plus d'échecs que de succès. Plusieurs des conquistadors qui participèrent aux réussites extraordinaires et parfois miraculeuses des expéditions du Mexique, du Pérou ou des royaumes Chibcha de l'actuelle Colombie eurent une fin cruelle. Almagro et Pizarro furent assassinés tour à tour. Pedro de Alvarado, qui participa successivement aux conquêtes du Mexique et du Pérou, trouva la mort au Mexique, au Jalisco, une mort accidentelle lors d'une petite expédition militaire. Hernando de Soto, l'un des plus remarquables conquérants du Pérou, probablement le plus cruel également, périt en tentant une traversée du sud-est des actuels États-Unis, entre Floride et Mississippi, et c'est sur un tronc d'arbre, confié au courant du fleuve, que son corps fut abandonné. Francisco de Orellana, le premier descendeur de l'Amazone, disparut lorsqu'il essaya deux ans après avoir descendu le grand fleuve, et à la tête d'une imposante expédition, dans laquelle il avait enrôlé plus de mille soldats, qui étaient souvent des hidalgos, parce que le problème, la chose qui avait en quelque sorte provoqué cet extraordinaire engouement, était qu'on allait chercher les Amazones, car à l'aller, Aureliana et les siens avaient affirmé qu'ils avaient vu les Amazones. Alors, il partit donc à la tête de cette très imposante expédition, à laquelle d'ailleurs sa femme l'avait accompagné, et il échoua et il mourut. Pedro de Valdivia, qui avait cru venir à bout des Mapuches au Chili, fut tué en 1553 lors du soulèvement d'un des chefs Mapuche, Lautaro. Alors, quelques exemples, si vous voulez, de l'expérience américaine avant l'entreprise de conquête victorieuse. Cortés s'est établi à Saint-Domingue, c'est ce qu'on appelait à ce moment-là l'île espagnole, en 1504, donc il avait 20 ans. Il y est resté jusqu'en 1511. Il a participé cette année-là à la conquête rapide et facile de Cuba, où il s'est fixé et où il est demeuré jusqu'en 1519, c'est-à-dire jusqu'au moment où il part justement à la conquête du Mexique. Il avait projeté de participer à l'expédition organisée en 1509 par Alonso de Ojeda et Diego de Nicuesa, un marchand très riche qui avait investi toute sa fortune dans l'affaire et qui fut ruiné. Cortés suit aussi, avec la plus grande attention, l'expédition menée en 1517 par Francisco Hernández de Córdoba sur les côtes du Yucatan. Il en médita les résultats et évita ainsi de commettre certaines erreurs lorsque, deux ans plus tard, en 1519, il organisa son voyage. Cortés est parti ici de la pointe de Cuba. Il a longé la côte du Yucatan. Il s'est bien gardé de débarquer à Cozumel, où l'expédition de Hernández de Córdoba avait connu une terrible attaque et avait perdu une cinquantaine d'hommes. Et en revanche, il a débarqué ici au Tabasco, là. Et ce débarquement est d'une importance absolument capitale. D'abord parce qu'il va y montrer ses qualités de négociation, de négociateur, mais aussi parce qu'il va récupérer un interprète, et Dieu sait que dans la conquête de l'Amérique, les interprètes jouent un rôle absolument capital, un interprète qui était un Espagnol tombé aux mains des Indiens, chez qui il avait vécu plusieurs années, et qui avait acquis une bonne connaissance de la langue maya. Et c'est également au Tabasco que les caciques pratiquent ce qu'ils pratiquaient assez souvent, c'est-à-dire qu'ils font don aux Espagnols, après des conversations, d'un certain nombre de femmes. Et parmi ces femmes, il va y avoir Malinzine. Malinzine, c'est-à-dire la femme extrêmement fort belle aussi, extrêmement intelligente, et qui va devenir non seulement la maîtresse de Cortés, mais ce qui est probablement plus important pour l'histoire, elle va devenir, si vous voulez, son interprète est celle qui va lui faire comprendre la réalité mexicaine et notamment les divisions du pays. Comme l'a montré Bernard Lavallée, qui a titré 20 années d'apprentissage américain, l'expérience américaine de Pizarre était plus longue et plus complète encore que celle de Cortés. Elle avait aussi commencé de la même façon par l'île espagnole où Pizarre séjourna de 1502 à 1509. Elle s'était poursuivie par la participation à l'entreprise malheureuse d'Ojeda et de Nicuesa que j'évoquais il y a un instant, puis par la traversée beaucoup plus réussie de l'isthme de l'Amérique centrale en 1513, Pizarre étant cette fois le lieutenant de Núñez de Balboa lors de la découverte de la mer du Sud. Il devint d'ailleurs vecino, c'est-à-dire résident, et régidor, autrement dit conseiller municipal, si vous voulez, de la ville de Panama, fondée sur la rive du Pacifique, au moment même où Cortés entreprenait la conquête du Mexique, c'est-à-dire en 1519. D'autre part, en 1524-25, puis en 1528, Pizarre, qui avait déjà 50 ans, il est né en 1478, a conduit deux petites expéditions en direction du Pérou. Au cours de la deuxième, il a carrément atteint les limites septentrionales de l'Empire Inca, du côté de Tumbes. Il est parvenu à la hauteur de Paita et il a réuni des informations importantes sur l'Empire Inca et ses richesses. Et c'est après ce deuxième voyage de reconnaissance qu'il part en Espagne pour signer à Tolède avec Charles Quint les capitulations de 1529 qui vont lui accorder la direction de l'expédition, faire de lui le futur capitaine général du Pérou et lui donner une prééminence sur ses deux associés, Almagro et le chanoine Luque, étant bien entendu que l'entreprise est entièrement financée et organisée par ses promoteurs et que le souverain et la couronne n'y mettent pas un maravédi. L'un des associés de Pizarre est à ce moment-là Diego de Almagro, qui est lui aussi un vétéran de la conquête, qui a compté par exemple parmi les expéditionnaires de 1514, l'expédition dont je parlais tout à l'heure, et sous les ordres de Davila. Une bonne partie des hommes qui vont se rendre maîtres d'Atahualpa à Cajamarca avaient entre 5 et 10 ans d'expérience américaine. Pedro de Valdivia, dont j'ai déjà parlé, ancien combattant des Flandres et de Pavie, avait passé plusieurs années au Venezuela, puis au Pérou, où durant les guerres civiles, il s'était battu dans le camp pizarriste avant de mener la conquête du Chili. Contrairement à une opinion répandue, les conquistadors n'étaient pas tous des rustres, ignorants, illettrés et grossiers. Il s'en faut même de beaucoup. Certes, Pizarre et Almagro étaient illettrés, comme Sébastien de Benalcázar. Mais parmi les 141 de Cajamarca étudiés par l'américain Lockhart, 51 savaient lire et écrire de façon certaine, 25 autres savaient probablement, et l'illettrisme n'est avéré que pour 41. De toute façon, il y en avait au moins la moitié qui savaient lire et écrire. Ce qui est à dire que c'est une proportion nettement supérieure à celle de la société civile de leur temps. On découvre d'ailleurs, non sans surprise, que bon nombre de soldats de Cajamarca faisaient partie de ce que certains de mes collègues hispanistes ont appelé les infralettrados, c'est-à-dire en quelque sorte, si vous voulez, les lettrés de deuxième zone, greffiers, secrétaires, comptables, notaires même, marchands, administrateurs de biens, etc. Et c'est d'ailleurs un ancien notaire, Francisco de Jerez, qui rédigea le premier récit que l'on connaisse de la rencontre entre Pizarre et Atahualpa à Cajamarca. J'ajoute que 38 des soldats de Cajamarca étaient des hidalgos, proportion très supérieure à celle des conquistadors du Mexique, car d'après Grunberg, ce serait au maximum 10%. Mais le pourcentage de ceux qui savaient signer était élevé, et là encore, les secrétaires ou notaires étaient assez nombreux dans la troupe de Cortés. Cortés lui-même était d'un niveau intellectuel et culturel exceptionnel. On sait que ses années d'études à Salamanque, non pas à l'université, mais chez son oncle qui était maître de grammaire, l'avait doté d'une réelle maîtrise de la langue, évidente dans les fameuses cartas de relación, c'est-à-dire les lettres qu'il a envoyées à Charles Quint, qui sont interminables, puisqu'il y a une de ces lettres qui fait 120 pages, n'est-ce pas? Donc, sont de véritables chroniques. Car dans ces lettres, les longues périodes de subordonnée causale introduites par le porqué, le recours fréquent au parallélisme, aux analogies, aux antithèses, aux synonymes, aux homonymes, je n'ose dire aux oxymores qui sont maintenant si à la mode, témoignent d'une rhétorique habile, fortifiée sans doute par la pratique du notariat qu'il avait exercé quelque temps à Valladolid, puis ensuite à Saint-Domingue, avant la conquête de Cuba. Cortés n'était sans doute pas bachelier, contrairement à ce qu'il laissait croire. Il ne l'affirma pas, mais il le laissait croire. Mais il avait largement le niveau de ce diplôme. Parmi ses compagnons, les deux hidalgos, Andrés de Tapia, qui publia lui-même une relation de la conquête du Mexique, et Gonzalo de Sandoval, étaient des hommes d'une certaine culture, comme Diego de Ordaz, dont j'ai déjà parlé, comme Alonso de Avila. Quant à Bernal Díaz del Castillo, le merveilleux auteur de l'histoire véritable de la conquête de la Nouvelle-Espagne, il ne fait pas seulement étalage de ses connaissances très solides en histoire de l'Antiquité, il ne multiplie pas seulement les références aux héros de l'Iliade et de l'Odyssée, on voit qu'il a lu, d'une manière certaine, plusieurs romans de chevalerie, et en particulier l'Amadis de Gaulle, auquel il fait plusieurs références. Le conquérant du plateau Chibcha, Gonzalo Jiménez de Quesada, fils d'un gouverneur de Grenade, avait pour sa part fait des études de droit à l'université de Salamanque, où il avait obtenu le grade de licencié. Puis il avait séjourné plusieurs années en Italie, de 1527 à 1530, et il s'était installé à Santa Marta, au nord de l'actuelle Colombie, où il était arrivé comme chef de justice de l'expédition de Pero Fernández de Lugo. Celui-ci lui confia la direction de l'expédition qui devait aboutir à la conquête des petits royaumes Muiscas, célèbres par leurs trésors, et à la fondation de Santa Fe de Bogota, dont Jiménez de Quesada fut l'alcalde. Cet homme subtil montra de grands talents de négociateur, d'abord avec les rois, les petits roitelets du plateau colombien, puis en évitant l'affrontement entre les trois conquérants du plateau Chibcha qui se retrouvèrent pratiquement au même moment dans les parages de l'actuel Bogota, Federman, Benalcázar et lui-même. C'est l'un des très rares conquistadors qui soit mort à un grand âge, soit 79 ans semble-t-il, ce qui était beaucoup pour l'époque, et surtout pour un conquistador. Et il avait rédigé plusieurs ouvrages, malheureusement disparus, des sermons, un anti-Jupiter, et surtout un ouvrage qui s'appelait Los Ratos de Suecas. Suecas, c'était la bourgade, où il s'était retiré en Colombie, et qui étaient les chroniques de ses campagnes. Quel que soit leur mérite, la valeur de leurs hommes, la supériorité de leur armement et de leur stratégie, leur extraordinaire endurance et l'incroyable confiance qu'ils avaient en leur étoile, les conquistadors qui ont réussi, quelquefois provisoirement, ont dû leur triomphe à une combinaison entre leur intelligence rapide des situations, la désunion de leurs adversaires, mille fois plus nombreux mais incapables de comprendre la nature du défi qui leur était porté, et une part de chance. Car a priori, les entreprises de Cortés, de Pizarro, et même de Jiménez de Quesada ou de Federman n'avaient pas la moindre chance de succès. C'était des entreprises impossibles. Prenons l'exemple d'Hernán Cortés. La conquête de l'Empire mexicain paraît si chimérique que plusieurs des compagnons du conquistador ont tenté à plusieurs reprises de le dissuader de poursuivre l'entreprise. Au début de son expédition, Cortés dispose de 540 hommes, d'une douzaine de chevaux qui, il est vrai, font sensation, d'arquebuses dont la démonstration faite habilement devant les envoyés de Moctezuma terrifie d'abord les Indiens, qui finiront par s'apercevoir que les arquebuses ne sont pas toujours performantes, Et il dispose incontestablement d'un armement plus performant, et il a fait de son armée une troupe disciplinée d'une très grande efficacité. Notamment très disciplinée, Cortés avait interdit le pillage à ses soldats de façon à ce que les relations avec les Indiens, les peuples indiens que l'on rencontrait, ne dégénèrent pas. Mais Moctezuma pouvait lancer plusieurs dizaines de milliers d'hommes contre cette armée, possédait un réseau d'informateurs remarquablement développé qui était constitué pour l'essentiel par des marchands qui circulaient à travers l'Empire, qu'on appelle les Pochtecas, et les Indiens ont vite appris que ni les chevaux ni les nouveaux venus n'étaient immortels. D'ailleurs, avant la marche finale sur Mexico, les chemins avaient été soigneusement garnis de cailloux très pointus et tranchants de façon à précisément gêner la marche des chevaux. La capitale de l'Empire, Tenochtitlan, se trouve à quelques 500 km dans l'intérieur des terres et il faut franchir des cols à 3000 mètres d'altitude. De surcroît, l'expédition de Cortés a quitté Cuba contre la volonté du gouverneur, Diego de Velázquez, comme le peintre, qui compte des partisans dans la troupe de Cortés, et dès que Velázquez est instruit des premiers succès de Cortés, et notamment de l'entrée à Mexico, entrée qui s'est faite sans combattre, on y reviendra, il va envoyer contre Cortés une armée plus nombreuse que la sienne, dirigée par un certain Panfilo de Narvaez, ce dont les Aztèques, ou les Mexicas si vous préférez, qui ont laissé entrer les Espagnols dans leur capitale, pratiquement sans combat, vont se rendre compte très rapidement. De sorte que, après un certain nombre d'épisodes que je suis obligé de vous passer, une révolte brutale des Mexicains et de la population de la capitale oblige les Espagnols à une évacuation en catastrophe. C'est la fameuse Noche Triste, la nuit triste du 30 juin 1520. Et alors on se pose la question, comment Cortés et ses hommes ont-ils pu dans un premier temps parvenir jusqu'à Tenochtitlan, y entrer, s'y installer, mettre la main sur les trésors, puis après la révolte et leur fuite, dans un deuxième temps, reconquérir Mexico et remporter une victoire définitive. C'est ici que s'accorde le génie du conquérant, le génie militaire du conquérant, et politique également, et la chance et aussi les déficiences de l'adversaire. La chance s'est manifestée dès le début, et j'en ai déjà parlé, c'est la rencontre de Tabasco. Et notamment, l'irruption dans l'histoire mexicaine et dans l'histoire de la conquête de Malinzin. Comme Malinzin, Doña Marina pour les Espagnols, maîtrisait à la fois le Nahuatl et le Maya, et que l'interprète récupéré, Jérôme de Aguilar, lui, comprenait le Maya. Il y a donc eu un système, si vous voulez, d'interprétariat de relais, qui a permis à Cortés de savoir assez rapidement ce que voulait dire Malinzin, avant qu'elle-même n'apprenne, parce qu'elle l'a pris rapidement, l'espagnol. De sorte qu'à ce moment-là, évidemment, il n'y a plus besoin d'interprète. Elle dévoila rapidement à Cortés la principale faiblesse des Aztèques, c'est-à-dire l'hostilité à leur égard des peuples soumis, et notamment l'hostilité d'une cité demeurée complètement indépendante, placée sur la route de Mexico, et qui était en guerre perpétuelle avec Tenochtitlan, c'est-à-dire Tlaxcala. C'est en jouant de ces divisions et de cette hostilité, en faisant de Tlaxcala une alliée tout à fait indéfectible, ce qui n'a pas été facile, puisqu'il a fallu d'abord vaincre les Tlaxcaltèques qui n'ont pas voulu, au départ, négocier, que Cortés a pu s'ouvrir la route de Mexico, puis après la Noche Triste, panser ses plaies à Tlaxcala, préparer sa revanche et reconquérir Mexico, d'autant plus que les Aztèques souffrirent une épidémie redoutable de variole qui épargna les Espagnols, de sorte que les Indiens eurent la sensation d'être abandonnés par leur dieu. Mais comme l'a justement observé un historien mexicain, José Luis Martínez, ce furent les Indiens qui firent la conquête de Mexico sous la conduite de Cortés. Ce que par exemple un écrivain comme J.M.G. Le Clésio a refusé de voir. Il reste que la stratégie de la reconquête de Mexico est une démonstration du génie militaire de Cortés, sans aucun doute, mais elle n'aurait pas pu réussir sans les quelques 25 000 auxiliaires indiens, auxiliaires quelquefois au premier rang, notamment les Tlaxcaltèques, que Cortés et ses hommes avaient entraînés à se battre selon les techniques européennes et qui vont profiter de l'occasion pour assouvir contre leurs ennemis de toujours en quelque sorte une haine inextinguible. Cortés, qui a reçu des renforts quand il était à Tlaxcala, qui se trouve par ici, n'est-ce pas, et qui a permis à son armée de se reconstituer, de panser ses blessures, a eu l'idée de pratiquer une opération amphibie. Il a fait fabriquer 13 petits brigantins, enfin 13 grandes chaloupes, qui ont été fabriquées en pièces détachées à Tlaxcala, qui ont été transportés sur les bords de la lagune, enfin, dont les éléments ont été transportés sur les bords de la lagune et qui ont été montés ensuite sur les bords de la lagune. Et il a pris lui-même la direction de cette flotte de façon à empêcher tout débarquement. Il avait pris soin de négocier avec les autres peuples indiens de façon à ce que ceux-ci ne s'allient pas aux Aztèques et il a divisé ensuite son armée d'attaque en 3 éléments. Ici, il était avec un de ses lieutenants qui s'appelle Cristobal de Olid. Là, il y avait Pedro de Alvarado. Et ici, il y avait Gonzalo de Sandoval. Et donc, ces 3 hommes, avec chacun un minimum de 8000 auxiliaires indiens, devaient converger vers Tenochtitlan, qui se trouve ici, là, le centre de la capitale, qui se trouve ici, au beau milieu de la lagune. Là, vous avez les chaussées. Et ici, il y avait l'aqueduc de Chapultepec, que les Espagnols avaient coupé pour priver les défenseurs de Tenochtitlan d'eau potable. Donc, vous voyez, une opération amphibie à la fois par lac et par terre, et en même temps, une convergence d'attaques avec des auxiliaires indiens préalablement très bien entraînés. Encore plus impossible apparaît à première vue la conquête de l'Empire Inca, et plusieurs des soldats de Pizarro l'avons prié instamment de renoncer. D'ailleurs, certains ont reçu l'autorisation de leur chef de repartir à Panama. Les distances étaient multipliées, les marches interminables. Il fallut plus de 7 mois à Pizarro et à ses hommes, après leur entrée au Pérou, pour arriver à Cajamarc, à l'intérieur des montagnes, à peu près à 2500 mètres d'altitude, au nord de ce qu'on appelle le Callejón de Huaylas, la grande plaine intérieure du Pérou qui est entre la cordillère Blanche et la cordillère Noire. Au terme de 9 mois passés dans cette ville, après l'épisode célèbre auquel j'ai déjà fait allusion, il fallut encore 3 mois pour effectuer le trajet Cajamarca-Cusco, à peu près 1000 kilomètres. Ils franchirent des cols situés à plus de 4000, durent supporter des variations climatiques intenses, et d'autre part, bien entendu, il avait fallu d'abord réaliser cette capture d'Atahualpa assez extraordinaire à Cajamarca, puisque Pizarro, son frère Hernando et Hernando de Soto disposaient de 140 hommes pour affronter l'armée d'Atahualpa qui comptait plusieurs dizaines de milliers de soldats. Le phénomène n'est explicable que parce que d'un point de vue psychologique, si je puis dire, parce que les Indiens n'imaginaient pas une seconde que l'on puisse porter la main sur leur empereur qui était sacré. Et lorsque les Espagnols ont agrippé Atahualpa après que celui-ci et jeté par terre la Bible qu'on lui avait présentée, qu'évidemment, il ne comprenait pas, puisqu'il ne pouvait pas comprendre, puisqu'il n'avait jamais vu un livre de sa vie. Bon, lorsque donc les Espagnols ont agrippé Atahualpa et qu'ils l'ont jeté à bas de son trône, ils ont été tellement, en quelque sorte, choqués, si on peut dire, qu'ils ne se sont même pas défendus. Et que par conséquent, à Cajamarca, les Indiens ne se sont pas défendus. Ils se sont défendus plus tard, une guerre sérieuse, mais pas à ce moment-là. Alors, sans l'affaire de Cajamarca, Pizarro ne serait arrivé à rien. Mais il faut ajouter que depuis 1529, et c'est encore là la chance des conquistadors, comme au Mexique, depuis 1529, une guerre civile implacable opposait pour la succession de l'Inca Huayna Capac deux de ses fils, deux fils qu'il avait eus d'ailleurs de femmes différentes. Huascar, qui était soutenu par les Cusqueniens, donc les gens du sud, si vous voulez, et Atahualpa, qui était lui l'homme du nord. De plus, de nombreuses ennemis, et là nous retrouvons le scénario mexicain, de nombreuses ennemis supportaient difficilement la domination d'ailleurs récente des Incas. Par exemple, les Talianes de Tumbes au nord, les Huambos, les Huaylas, et surtout les Huancas au centre qui jouent un petit peu le rôle de Tlaxcala au Pérou. Malgré cela, je répète que Cuisard n'aurait pu arriver à rien sans l'agression commise contre Atahualpa et sa noblesse, sa agression évidemment moralement condamnable, même si l'Inca s'apprêtait lui-même à en finir avec les Espagnols, comme on en a à peu près la preuve, mais elle était pour les Espagnols le seul moyen de sauver leur peau, évidemment. C'est après Cajamarca et la capture d'Atahualpa que Pizarro, qui a reçu des renforts importants avec la troupe d'Almagro, va jouer à fond des divisions avec les Indiens, comme Cortés donc l'avait fait avant. Ce qui ne signifie nullement que sa victoire ait été facile. Les Indiens ont évacué Cusco avant l'entrée des Espagnols, mais plusieurs de leurs armées n'avaient pas été vaincues, et il y a eu ensuite une très dure pression sur Cusco. Pour arranger les choses, contrairement à ce qui s'était passé au Mexique, malgré tout, les conflits violents entre les conquérants, qui déclenchèrent une véritable guerre civile, mirent rapidement leur victoire en question. Dans d'autres parties des Amériques, ce fut l'hostilité de la nature qui constitua l'obstacle majeur. Et je crois qu'il vaut la peine de considérer le cas de la zone Chibcha de l'actuelle Colombie, qui était restée en marge de la conquête incaïque et qui était partagée entre de petits royaumes gouvernés par des roitelets locaux, les Ipas, qui étaient d'ailleurs eux-mêmes en guerre continuelle. Cette région a été conquise par trois chefs de guerre venus l'un de l'Est, Nicolas Federman, dont je parlais tout à l'heure, le deuxième du Nord, Gonzalo Jiménez de Quesada, dont j'ai parlé aussi, et le troisième du Sud, Sébastien de Benalcázar. Mais il ne s'agissait pas, comme on pourrait le croire, d'une stratégie convergente. Les trois expéditions n'avaient aucun lien entre elles, de sorte que les trois conquistadors étaient en quelque sorte concurrents. Et Benalcázar est d'ailleurs arrivé un peu plus tard au cœur de cette région, dans les parages de l'actuel Bogota. Alors, Federman et Jiménez de Quesada ont réussi l'un et l'autre un parcours épique, et je crois qu'il vaut la peine de le considérer carte en main ou carte derrière moi, si vous voulez bien. Là, vous avez la péninsule de Coro, qui était la base de la domination des Welsers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon. Vous voyez ici la partie ouest du Venezuela actuel, n'est-ce pas ? Cúcuta, par exemple, est déjà en Colombie, mais San Cristobal est au Venezuela. Là, vous avez la lagune de Maracaibo, et vous avez cette muraille véritable que constitue la cordillère orientale, dont les sommets dépassent 5000 mètres, tandis que là, l'altitude des Llanos est à peu près de 400 mètres. Vous voyez, le dénivelé est tout à fait extraordinaire. Alors, considérons d'abord les entreprises allemandes, puis ensuite celles de Gonzalo Jiménez de Quesada. Le premier gouverneur de Coro, Ambroise Alfinger, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Lui, il a fait deux expéditions. La seconde est importante, celle de 1531. Il a franchi la lagune de Maracaibo. Il a franchi cette sierra, la sierra de Perija, qui elle aussi dépasse 5000 mètres. Hein. Et ils sont arrivés du côté de la ville actuelle de Valle d'Upar, où ils ont réussi à se procurer une quantité d'or non négligeable. Ils sont repartis donc pour Coro, mais Ambroise Alfinger a été tué par une flèche sur le chemin. Le trésor a été perdu et seuls les survivants revenus à Coro ont pu affirmer que l'or n'était pas mythique et qu'on pouvait bien parler en quelque sorte d'un Eldorado. Alors les successeurs, Georges de Spire, lui, il va vouloir qui va succéder donc à Alfinger, qui a toujours Federman comme lieutenant, il va vouloir tenter une autre route. Il franchit cette sierra ici, du côté de Barquisimet. Là, il redescend sur les Llanos, il longe la cordillère orientale et il cherche vainement un passage. Alors, il franchit toute une série de fleuves, la Pourre, le Rio Arauco, le Meta, dans le Meta ici, un peu plus loin, le Guaviare. Et puis, ne trouvant toujours pas de passage, il commet l'erreur d'écrire une sorte de grande boucle vers l'est et le sud, et il rentre à Coro après 3 ans d'errance, 3 ans, je dis bien, pour apprendre que son lieutenant Federman, parti après lui, a réussi. En effet, Federman, qui avait laissé partir Georges de Spire, son chef, avec les meilleurs interprètes et les meilleurs guides, a suivi d'abord le même chemin. Quand il est arrivé dans cette région, ayant appris que son chef avait continuait à longer le piémont andin, mais n'avait pas tenté l'escalade. Il a tenté le tout pour le tout et il a entrepris l'escalade. Alors au prix d'ascensions extraordinaires, de souffrances évidemment non négligeables, il a fini par se faufiler entre les divers chaînons de la cordillère et il a fini par déboucher finalement sur la verte savane de Bogota, qui lui a causé une impression extraordinaire. C'était une véritable Suisse, disait-il, dans une longue lettre écrite à la Jamaïque, et il ajoutait que, par ailleurs, il était également très impressionné par les revêtements en or des palais des petits rois qu'il avait rencontrés, et la grande quantité de pierres précieuses, et notamment d'émeraudes. Dans les environs de l'actuelle ville de Bogota, il rencontre un autre conquistador, qui était Jiménez de Quesada, qui lui avait été venu par une route complètement différente. En principe, Jiménez de Quesada avait, si vous voulez, une chance plus grande de parvenir à son objectif, car il avait choisi de suivre le grand fleuve Magdalena. Et il avait même eu un plan assez ingénieux, puisque le fleuve était remonté par des chaloupes qui étaient chargées de munitions et de ravitaillement, et qui permettaient ainsi d'économiser les forces des hommes. Mais ce que Gonzalo Jiménez de Quesada n'avait pas prévu, c'est qu'il avait choisi, sans le savoir, car il n'avait aucune connaissance climatique évidemment du pays, qu'il avait choisi un très mauvais moment, le mois d'avril. Il y a eu des pluies littéralement diluviennes. Les Espagnols ont dû franchir avec la plus grande difficulté les affluents grossis par les crues de ces rivières. Ils ont dû traverser des marécages. Et ils ont quand même gardé confiance parce qu'ils rencontraient des convois d'Indiens qui amenaient depuis l'altiplano des pains de sel et surtout des ballots de tissu d'une très grande qualité. Et d'autre part, ces Indiens leur disaient que plus loin vers le sud et très haut, il y avait beaucoup d'or et des royaumes d'une très grande richesse. Par conséquent, l'Eldorado, en quelque sorte, n'était pas un mythe. L'hostilité de la nature provoqua l'échec de la deuxième expédition d'Aureliane et sa mort. L'hostilité de la nature, associée à la résistance des hommes, provoqua l'échec de l'expédition d'Almagro au Chili. Mais je voudrais quand même, pour terminer, examiner un problème essentiel. Au-delà de la quête de la richesse et de la gloire, les conquistadors, ou du moins certains d'entre eux, eurent-ils un projet? Il est probable que Jiménez de Quesada en avait un. Dans les négociations qu'il a menées en Espagne pour essayer de se faire confirmer dans ses fonctions, c'est ce qui est apparu, mais comme il n'a jamais eu le loisir de le mettre en œuvre et comme l'on a perdu son œuvre écrite, toute spéculation est impossible. Gonzalo Pizarro, le jeune frère de Francisco, utilisa le choc provoqué par les lois nouvelles de 1542, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui remettaient en cause un certain nombre de privilèges des conquérants, notamment les fameuses encomiendas, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser jusqu'à l'abus la main-d'œuvre indienne, pour s'opposer au vice-roi qui avait été nommé par la couronne, justement après le soulèvement dû aux lois nouvelles, le vaincre au cours d'une bataille où le vice-roi fut tué. Et poussé par un homme qui a été baptisé le démon des Andes, Francisco Carvajal, qui était de son état magistrat, il n'hésita pas à faire sécession. Il envisagea de se proclamer roi du Pérou, de faire sécession auprès de l'Espagne. Il avait même envisagé de faire hommage au pape de manière à essayer d'obtenir la protection pontificale. Mais beaucoup de conquistadors n'étaient pas prêts à trahir leur roi. Et l'habileté de l'envoyé de Charles Quint, après la mort du vice-roi Blasco Núñez de Vela, l'habileté de l'envoyé de Charles Quint, Pedro de la Gasca, fit le reste. Gonzalo Pizarro et Carvajal, payèrent de leur vie leur forfaiture, ils furent condamnés à mort et exécutés. Le projet le plus original, un projet de visionnaire, a été celui d'Hernán Cortés. Un historien spécialiste du Mexique précolombien, que je ne connais pas personnellement, qui a travaillé sur Cortés en même temps que moi, Christian Duverger, a abouti pratiquement aux mêmes conclusions à quelques nuances près. Cortés, qui ne cachait pas son admiration pour la civilisation mexicaine et ses réalisations, à l'exception évidemment des sacrifices humains, qui a exprimé cette admiration dans ses lettres à Charles Quint dont je parlais tout à l'heure, qui avait conscience du chiffre très élevé lorsqu'il est arrivé de la population indienne, avait compris très vite que le maintien de la domination espagnole au Mexique passait par la conservation de la hiérarchie sociale et par le métissage. Il fallait notamment que de nombreux conquérants épousent des princesses indiennes sur le modèle des mariages réalisés à Tlaxcala, qui avait scellé l'alliance avantageuse de cette ville avec Cortés. Ce métissage était d'ailleurs souhaité par les Indiens du Mexique eux-mêmes, et notamment à Tlaxcala, je crois devoir vous lire quelques lignes qui sont, me semble-t-il, éloquentes. Voilà, le propos que Bernal Díaz prête au grand cacique de Tlaxcala, le vieux Xicoténcatl, est d'une éloquente simplicité. Malinche, parce que finalement les Indiens nommaient Cortés du nom même de sa maîtresse, de Malintzin. Malinche, pour que vous reconnaissiez clairement que nous vous voulons du bien et que nous voulons vous satisfaire en tout, nous voulons vous donner nos filles pour qu'elles soient vos femmes et que vous engendriez des enfants. Car nous désirons vous avoir pour frère, vous qui êtes si bon et si vaillant. J'ai une fille très belle qui n'a pas été mariée, je veux qu'elle soit pour toi. Bon. Nous savons par Garcilaso de la Vega, au Pérou, dans ses comentarios reales, que les familles incaïques cherchaient également l'alliance avec les conquérants, ce qui assurait en quelque sorte la promotion sociale des enfants. Le projet cortésien n'était pas antérieur à la conquête, puisque Cortés ignorait absolument tout du pays qu'il allait conquérir. Il fut le fruit d'une réflexion sur la conquête et de la conscience du fractionnement ethnique et culturel du pays. Cortés, qui chercha toujours à négocier avant de combattre avec les Totonacs lors de son débarquement, là ça a réussi. Ensuite il a tenté avec les Tlaxcaltèques, ça n'a pas réussi au départ, puisqu'il y a eu des batailles très dures pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que les Tlaxcaltèques s'en rendent compte qu'au fond, ils pouvaient utiliser les Espagnols comme alliés, et que les Espagnols, évidemment, fassent le même raisonnement. Cortés a sans aucun doute détruit un monde, mais il a ébauché la construction d'un autre monde, celui d'un royaume à la fois métis et chrétien, car il a toujours pu compter sur le soutien des franciscains, dont il avait demandé la venue au Mexique, et qui furent les premiers ethnologues du Mexique, auteurs des grammaires, des dictionnaires, des vocabulaires, des diverses langues indiennes. C'est ce qu'ont parfaitement compris et exprimé, d'abord le grand peintre muraliste Clemente Orozco, pas Diego de Rivera, qui donne au contraire une image dans sa fresque de Mexico, une image de Cortés prédateur, ce qu'il était aussi, bien entendu, mais Clemente Orozco, dans le célèbre portrait géant de Cortés d'un côté et Malintzin de l'autre, qu'il a peint, qui orne le grand escalier de l'ancien couvent jésuite de San Ildefonso, devenu aujourd'hui l'école des mines de Mexico, où l'écrivain Fernando Benítez, Cortés est comme Cuauhtémoc, le grand-père blanc. Et Carlos Fuentes et par exemple Octavio Paz sont à peu près aujourd'hui sur les mêmes positions. Il est vrai que Cortés n'a jamais voulu rompre avec l'Espagne. Alzarse con la tierra, contrairement à ce qu'affirmaient les calomnies de certains de ses adversaires. Et ça m'arrive de me demander s'il a eu raison. Car il n'a jamais été compris par le pouvoir espagnol de son temps. La mise en œuvre de son projet eût exigé qu'il en soit le réalisateur, qui conserve le pouvoir. Le prestige exceptionnel, ça peut surprendre, mais c'est comme ça, dont il a joui parmi les Indiens eux-mêmes, en dépit de drames de la conquête et de ses erreurs les plus graves, comme l'exécution du Cuauhtémoc en 1525. Prestige dont témoignent de très nombreux documents. Par exemple, cette étonnante lettre écrite à Charles Quint en 1545 par un certain Jérôme Lopez, qui va jusqu'à dire que les Indiens essayent de savoir ce que Cortés souhaite de manière à le faire avant même qu'il en ait formulé le désir. Le prestige exceptionnel dont il a joui lui aurait sans doute permis de mener assez loin la construction de ce monde nouveau qui était devenu sa véritable patrie et qu'il a certainement quitté avec l'intention